Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de JT Sport, le podcast étudiant qui revient sur l'actualité sportive de la semaine. Aujourd'hui, nous consacrons un grand format à la victoire de l'équipe de France de handball à l'Euro 2024. Et c'est PA qui reviendra sur la perf des Bleus. Lucas nous fera ensuite un tour d'horizon des actus marquantes de la semaine. Cette semaine, c'est Paul qui aura carte blanche et nous parlera de la première victoire de Mathieu Pavon sur le PGA Tour. Dans notre débat hebdomadaire, Thomas et Arthur donneront leur avis respectif sur le prochain patron du circuit ATP. Et comme chaque semaine, on se retrouve en fin d'émission pour le quiz. On espère que vous avez bien révisé. C'est un génie! Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France! La victoire! Pierre Garcia, il l'a fait! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Ils l'ont fait, les Français sont à nouveau maîtres de leur continent PA. 10 ans après, les Français sont à nouveau champions d'Europe. Et c'est en Allemagne, à la Lanxess Arena de Cologne, que nos tricolores sont venus à bout des Danois 33-31. Et pourtant, la compétition n'aura pas été de tout repos pour nos Bleus. Avec pas moins de 9 matchs disputés en 18 jours, les Bleus n'auront pas connu la défaite durant tout le tournoi. Un accro et ça repart pour nos Bleus. Le seul impair aura été sans doute ce match nul 26 partout face à la Suisse lors de la deuxième journée. Sinon, les Français auront effectué un tournoi parfait. En témoignent ces statistiques. La France est l'équipe la plus prolifique du tournoi, avec pas moins de 306 buts loin devant la Suède, qui en compte 282. Un collectif fort et des ambitions clairement affichées dès le début du tournoi en infligeant un 39-29 à la Macédoine du Nord. Et puis, c'est aussi une équipe de France à suspense qui a fait durer ses matchs en s'imposant à 2 reprises après prolongation face à la Suède et face au Danemark de Mikael Hansen. Mais alors cette finale PA, dis-nous en plus. Ça a été un mano à mano palpitant durant toute la rencontre. Nos Bleus ont rapidement pris la mesure de cette équipe du Danemark, très défensif et clinique en attaque. Et si on peut parler du match impressionnant de Emil Nielsen, le gardien danois, on peut évoquer le nom de son compatriote Mathias Gidsel. C'est un arrière-droit très technique qui pendant très longtemps dans le match aura maintenu l'avance du Danemark à 2 buts. Mais voilà, après l'exploit d'Elohim Prandi en demi face à la Suède, la France ne pouvait pas perdre durant le temps réglementaire face aux champions du monde en titre. Ils avaient une revanche à prendre. On retiendra aussi la leçon Guillaume Gilles. On a eu le droit à une superbe gestion, même en étant menés, les tricolores n'ont pas paniqué. Et le coaching de Guillaume Gilles n'y est pas pour rien. Le coach n'a pas tremblé quand il fallait alterner entre la puissance de Dikamem et l'expérience de Nikola Karabatic à l'arrière, ou encore quand il fallait faire rentrer l'homme décisif de ses phases finales, le bison Elohim Prandi. Les Bleus nous ont aussi fait rêver, dans leur solidarité défensive, à l'image de cette dernière défense de l'incontournable Prandi, afin d'aller en prolongation. Et même Samir Belhassen, qui avait mal débuté la rencontre, a réussi à rectifier le tir en réalisant 2 parades d'affilée, décisives dans la remontée bleue. Après ce succès, comment envisager la suite pour nos handballeurs? Alors c'est sûr que nos handballeurs ont fait le taf, et quoi de mieux que de gagner l'Euro, compétition difficile en hand, avant de retourner au combat chez nous au JO. Et puis, avec pas moins de 5,2 millions de téléspectateurs sur TF1, on sait que tout un peuple sera derrière eux pour ces Jeux. Même si on sait que la réputation de ce sport n'est plus à faire en France, c'est bien d'envoyer un message au monde entier, la génération des héritiers de Fabregas est bien présente. Il faut aussi garder cette confiance et puis ce mélange entre vieille et jeune génération qui fonctionne assez bien. C'est ce qu'avait d'ailleurs confié Guillaume Gilles avant la compétition au micro de l'équipe. J'ai une équipe différente, des mecs qui viennent de partout et qui s'entendent bien, malgré la différence d'âge. De quoi donner le sourire, surtout quand on voit la capacité à monter en puissance durant la compétition. Un peu comme au dernier championnat du monde. Malheureusement, ça n'avait pas marché face à ces mêmes Danois. Alors, bien entendu, on n'aimerait pas faire des plans sur la comète, mais s'il y a bien un sport co où on a une chance de médaille d'or, c'est le handball. Comme leurs collègues féminines, fraîchement championnes du monde, qui ont elles aussi de grandes chances de médaille. À 6 mois des JO, l'équipe du doyen multititré Nikola Karabatic, qui a d'ailleurs disputé son dernier Euro, ne pouvait pas mieux commencer l'année. Merci PA, on passe tout de suite au bref. C'est un jour qui restera gravé dans la mémoire de Nils Allègre. Raconte-nous, Lucas. Sur les pentes de Garmisch, Nils Allègre, après 102 départs de Coupe du Monde de Super G, a décroché ce samedi sa première victoire. Un exploit éclatant pour un skieur humble. Fan de pêche à la mouche et de Renault, le natif de Briançon éclipse la concurrence. Il défie le brouillard allemand et termine dans les étoiles. C'était son jour, une victoire historique dans un Super G légendaire. Une nouvelle victoire française, mais cette fois, c'est au tennis de table, Lucas. Félix Lebrun, 17 ans, remporte son premier titre de l'année 2024 au tournoi mondial à Goa, en Inde. Après sa victoire en 6-7 contre le Brésilien Hugo Calderano en finale, le Montpelliérain décroche son 2e titre WTT, confirmant son talent après sa victoire à Antalya en octobre dernier. Déjà vainqueur l'an passé, Sabalenka a récidivé. En finale de l'Open d'Australie, Arina Sabalenka a sèchement balayé la novice Qiwen Zheng. Pas de surprise dans ce match. La Biélorusse conserve son titre avec une performance éblouissante 6-3, 6-2 en 2-7 gagnants en seulement 1h16. Un récital incontesté et incontestable pour la désormais double vainqueur de l'Open d'Australie. Un week-end compliqué pour le TFC qui s'est incliné au Stadium 2-0 contre Lens. 0,05 comme le nombre d'expected goals du TFC en première mi-temps. Une défaite 2-0, un but assez cocasse de David Pereira da Costa à la 42e minute, et puis, badaboum, à la 55e minute, Andy Diouf explose la cage de Guillaume Rest. Côté toulousain, rien à se mettre sous la dent, à part un pénalty raté de Vincent Siro en fin de match. Le TFC pointe à la 14e place à 2 points de la zone rouge. Et quand le TFC perd, le Stade gagne. Et oui Agnès, ce dimanche, le Stade toulousain a mis fin à l'invincibilité du Racing grâce à une victoire 20-27 à Nanterre. Privés de leurs internationaux, les Haut-Garonnais ont remporté leur deuxième victoire à l'extérieur. Les Rouges et Noirs remontent donc à la 4e place du top 14 et ne sont plus qu'à 4 points du leader Racing Men. Merci Lucas pour ce tour d'actualité en bref. On retrouve Paul pour la carte blanche. Oui. Ce week-end, Mathieu Pavon est entré dans l'histoire en devenant le premier Français vainqueur sur le PGA Tour. Nouvelle preuve de la forme du golf tricolore, Paul. Historique, légendaire, les superlatifs manquent pour décrire la performance majuscule réalisée par Mathieu Pavon ce week-end. Il était d'un peu plus d'une heure et demie heure française samedi soir quand le Toulousain de naissance a rentré ce dernier putt de 2 mètres au 18 pour décrocher sa première victoire sur le sol américain. Pour son troisième départ sur le PGA Tour en tant que membre et sur le très sélectif parcours de Torrey Pines à San Diego, le désormais 34e mondial a fait preuve d'une immense solidité. D'abord dans le jeu, mais aussi et surtout dans la tête pour tenir ses nerfs au moment de conclure. Un succès qui fait d'abord du bien au compte en banque puisque le Français a touché un chèque d'1,5 million d'euros, mais qui lui ouvre aussi les portes des plus grands tournois jusqu'à la fin de la saison. Le fils de Michel Pavon, ancien capitaine des Girondins de Bordeaux, champion de France en 1999, rêve maintenant plus grand et pourquoi pas d'un sacre en majeur. Quelque chose d'inimaginable il y a encore quelques mois. Et oui, parce que Mathieu Pavon a longtemps patienté et travaillé dans l'ombre avant de se retrouver en pleine lumière. S'il a gagné 2 des 9 derniers tournois auxquels il a participé, le Bordelais avait dû attendre 7 ans et sa 212e tentative pour s'imposer pour la première fois. C'était à Madrid sur le Tour européen, le 15 octobre dernier. Une victoire qui l'a fait changer de dimension et qui lui a surtout permis de passer un cap mental. Désormais, il peut et sait gagner. Sa fin de saison a pris une tournure irrationnelle lors de la finale du Deep World Tour à Dubaï fin novembre. La Pav cite 4 birdies fantastiques sur les 4 derniers trous pour s'offrir une 5e place, synonyme d'accession au PGA Tour. Un rêve devenu réalité pour celui qui s'est toujours imaginé vivre et performer outre-Atlantique. 2 mois plus tard, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'adaptation s'est plutôt bien passée. Avec Mathieu Pavon chez les hommes et Céline Boutier chez les femmes, le golf français se porte bien à quelques mois des JO. C'est vrai que depuis l'année dernière, le golf tricolore connaît un état de grâce qu'il n'a que trop peu connu dans son histoire, porté par une Céline Boutier qui a pulvérisé le plafond de verre qui pouvait exister. Victorieuse en majeur à Evian l'été dernier, la discrète française s'est imposée comme une des valeurs sûres du circuit et pointe au 3e rang mondial. Et chez les hommes, on a désormais Mathieu Pavon qui a pris conscience de ses capacités, sans oublier Victor Pérez et tous les autres qui ferraillent en Europe. Ses performances peuvent en inspirer d'autres. Avec évidemment l'objectif de Paris 2024 et du tournoi olympique qui se déroulera sur le redouté parcours du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines que les Français connaissent par cœur. De quoi faire rêver en ce début d'année. Merci Paul et rendez-vous au printemps pour les premiers majeurs de la saison. C'est maintenant l'heure du débat. Thomas, Arthur, avec la victoire de Yannick Sinner, on se demande qui va dominer le tennis dans le futur. Alors selon vous, qui sera le prochain patron du circuit ? Bon, moi je vais aller droit au but, hein. Vous me connaissez, il a 20 ans et numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz. Après un premier titre en Grand Chelem en finale de l'US Open en 2022, l'Espagnol a été la révélation de cette année 2023. Alors même si bien sûr, c'est Novak Djokovic, vainqueur de 3 des 4 titres en Grand Chelem qui a survolé l'année, moi je pense qu'il n'y a qu'un seul homme qui va dominer, c'est d'ailleurs lui qui a empêché le Serbe de faire le Grand Chelem. Malheureux en demi-finale de Roland Garros face au numéro 1 mondial, il s'est vengé hein, quelques semaines après, au bout d'une finale épique à Wimbledon remportée en 5-7, le jeune tennisman né en 2003 a commencé sa domination. Plusieurs victoires hein, qui ont suivi, en Masters 1000 notamment, à Indian Wells aux États-Unis, mais surtout à Madrid, sur terre battue, surface où il a encore beaucoup à prouver. Il n'a pourtant pas tout gagné en 2023. Non, c'est vrai. Il n'a pas gagné l'US Open, défaite face à Djokovic en demi-finale, et élimination il y a quelques jours à Melbourne. Face à Zverev, l'Espagnol a montré qu'il lui manquait encore ce petit quelque chose pour totalement asseoir sa domination. Attention à cette année 2024, car c'est sur terre battue que le jeune tennisman va rayonner, moi j'en suis sûr. Roland-Garros est en ligne de mire pour Alcaraz, où, pour gagner, il devra sûrement battre le monstre du court Philippe Châtrier, Rafael Nadal. Il ira ensuite défendre son titre à Wimbledon avant de jouer une nouvelle fois à Paris, mais pour les Jeux Olympiques cette fois. Là, c'est avec le taureau de Manacor que l'Espagnol pourrait évoluer en double. Carlos Alcaraz le sait, cette année, il doit gagner pour régner. De ton côté, Arthur, qui vois-tu régner sur le tennis mondial d'ici peu ? Pour ma part, la victoire de Sinner à l'Open d'Australie montre qu'il a passé un cap. Il est peut-être moins précoce et sexy qu'un Alcaraz, mais il a tout des très grands. Déjà dans le comportement, il reste de marbre et ne paraît jamais atteint mentalement. Puis il est présent dans les grands rendez-vous. J'ai eu peur au début de la finale de dimanche parce qu'on l'a senti stressé par l'événement dans les deux premiers sets. On le rappelle, première finale de Grand Chelem pour lui. Mais il a su reprendre le contrôle de son jeu pour venir à bout de Medvedev en 5-7 avec une grande force de caractère de sa part. Il s'est gagné contre les meilleurs, il reste sur 3 victoires contre Djoko, 4 contre Daniil Medvedev. Face à Alcaraz aussi, il reste sur 2 victoires d'affilée. En faisant un peu moins de bruit que l'Espagnol, il est en train de s'imposer comme un des joueurs les plus réguliers du circuit. Déjà 15 titres à seulement 22 ans, c'est fort. Aussi, Alcaraz est prêt physiquement pour le top niveau depuis un moment déjà, ce qui n'était pas le cas pour lui jusqu'à peu. L'Italien a eu une très grosse marge de progression sur ce point-là et je pense qu'il va encore progresser. Il faut rappeler qu'il s'est bien épaissi depuis son entrée sur le circuit et qu'il garde toujours une silhouette frêle, donc sur ce point-là, dans les prochaines années, il va continuer à évoluer. Physiquement donc, Sinner rattrape son retard. Et au niveau du jeu ? Il est très complet et je ne vois pas de réel point faible sur ce terrain-là. Il sert très bien, tout comme ses retours qui sont souvent embêtants pour ses adversaires. Et après son coup droit, ce fusil à pompe, le bruit de la balle qui sort de la raquette, ça fait peur. Ce revers est très solide aussi, un peu moins puissant mais pas moins précis. Très régulier aussi, il sait monter à la volée quand il le faut, il joue juste et s'adapte très vite. Donc pour toi Arthur, c'est Sinner et rien d'autre ? Je vais quand même nuancer un peu. Pour moi, ces deux joueurs vont nous régaler pendant longtemps et peuvent marcher sur la concurrence. On voit par exemple Zverev revenir en puissance mais il est déjà un peu plus âgé qu'eux et il n'a pas cette maturité qu'ils ont dans le jeu. Medvedev aussi est un client sérieux mais je ne pense pas qu'il va réussir à dominer de la même manière que ces deux joueurs. Sans trop se mouiller, on peut donc affirmer que les prochains rouleaux compresseurs de l'ATP, si ce n'est pas déjà le cas, sont Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Mais malgré tout le bien que je pense de l'Espagnol, c'est bien The Fox, à mon avis, qui va voler un peu plus haut que le reste du panier. Merci messieurs, seul l'avenir nous dira qui rayonnera sur le circuit. C'est désormais l'heure du quiz. Ah oui, la bonne courage. Qui est meilleur ? Qui est meilleur ? C'est le meilleur. Ah, si il est un peu repos parce qu'il est... Excusez-moi, je vais l'air, mais parce que des fois il nous gonfle. Aujourd'hui à ma droite, Lucas et Arthur, et à ma gauche, Péa et Thomas. Vous êtes prêts messieurs ? Ouais. Oui. C'est parti. Première question. Dans quel club joue le français, héros de la demi-finale contre la Suède, Elohim Prandi ? PSG. Paris Saint-Germain. Ah, merde. Bien joué Arthur, il joue bien au Paris Saint-Germain. Donc un point pour l'équipe de Lucas et Arthur. Deuxième question. Combien de temps a duré la finale de l'Open d'Australie entre Sinner et Medvedev ? 1h40. 1h16. 4h40. 3h50. Péa, Thomas, vous étiez les plus proches. La finale a duré 3h44. Le score est à 1-1. On passe à la troisième question. À qui était associé Antoine Dupont à la charnière face au Racing ? Malia. Très bien Lucas, bien joué. 2-1 pour l'équipe de Lucas et Arthur. On passe à la quatrième question. De quand datait la dernière victoire d'un golfeur français sur le sol américain ? 92. 82. 98. Bien avant. 62. 66. Bien avant. 54. 1940. Bravo PA, c'était bien 1907. On passe à la dernière question. Quel joueur du TFC a manqué un pénalty face à Lens ? Vincent Sirot. Bien joué Thomas et victoire de l'équipe de PA et Thomas. Ouais, bravo les gars. Ouais, c'est bien. La victoire, c'est la victoire. Yes. Bravo. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de JT Sport. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux et à la prochaine. Fils de...